Chapitre 27, page 191. Exercice 5. 1. Je suis scandalisé par Aline. Elle roule sur l'or et elle refuse d'offrir un café à sa femme de ménage parce que ça coûte trop cher. 2. Irène a hérité d'une vraie fortune, mais il n'en reste plus rien. 3. Alain a dû emprunter beaucoup d'argent à la banque pour acheter sa boutique. 4. Cet homme est horrible. Il ne pense qu'à l'argent. Il est prêt à tout pour en avoir plus. 5. Vous savez que pour diminuer ses dépenses, cette grosse entreprise réduit le nombre de stylos qu'elle donne à ses employés.